Ecclésiaste chapitre 11. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le trouveras. Fais-en part à 7, et même à 8, car tu ne sais point quel mal viendra sur la terre. Si les nuées sont pleines, elles répandront la pluie sur la terre, et si un arbre tombe vers le midi, ou vers le septentrion, au lieu auquel il sera tombé il demeurera. Celui qui prend garde au vent, ne sèmera point, et celui qui regarde les nuées, ne moissonnera point. Comme tu ne sais point quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de celle qui est enceinte, ainsi tu ne sais pas l'œuvre de Dieu, et comment il fait tout. Sème ta semence dès le matin, et ne laisse pas reposer tes mains le soir, car tu ne sais point lequel sera le meilleur, ceci ou cela, et si tous deux seront pareillement bons. Il est vrai que la lumière est douce, et qu'il est agréable aux yeux de voir le soleil. Mais si l'homme vit beaucoup d'années, et qu'il se réjouisse tout le long de ces années-là, et qu'ensuite il lui souvienne des jours de ténèbres, lesquels seront en grand nombre, tout ce qui lui sera arrivé sera une vanité.